frenchpod.com. On peut traverser. Je sais, le feu est vert. Attention, il y a une marche. C'est bon, je ne suis pas aveugle.